seul si c'est encore la passion, la joie et le bonheur. C'est quand on parle de Jésus, le divin sauveur. Les âmes sont enflammées. Alléluia. avions. Et Jésus répond.